Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de JT Sport. Nous commencerons ce podcast en parlant des handballeurs du Phoenix, victorieux de Chartres ce week-end. La deuxième édition du débat également concernera le TFC et un potentiel avenir en Coupe d'Europe la saison prochaine. Enfin, petite parenthèse outre-Atlantique avec le début des playoffs NBA. Mais pour l'instant, le Phoenix à l'honneur et ce sont Elisa Vaudelet et Louis Gagnepin qui vont nous en parler. Le Stade Toulousain est le nouveau champion de France. La deuxième place pour Yoann Carré. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. 24e journée de Licky Moly Star League la semaine dernière au Palais des Sports André Brouat. Le Phoenix recevait Chartres. Les Chartrains qui étaient classés 14e avant le match à 2 points de la relégation et les Toulousains n'avaient plus gagné dans leur antre depuis le 18 février. Une dynamique effacée puisque les hommes de Daniel Andjelkovic s'imposent 39-32, signant donc une deuxième victoire de suite. C'est surtout ce qu'a décidé de retenir le capitaine du Phoenix, Pierrick Schell. C'était important de, surtout de continuer cette série et continuer à engranger des points avec la fin de saison qui se profile. Mais plutôt content du résultat, même si dans le contenu, il y avait des choses quand même à travailler avec un manque d'efficacité pour vraiment se donner le match plus facile. Elisa et Louis, vous étiez au Parc des Sports pour commenter ce match. Comment avez-vous trouvé la performance des Toulousains ? Eh bien, 39 buts et les 3 points pour les hommes de Daniel Andjelkovic, c'est surtout ce qu'on va retenir, Corentin. Le Phoenix est auteur d'une belle prestation offensive dans l'ensemble. L'équipe exploite toujours plus ses montées de balles rapides, avec cette fois-ci 17 buts sur ses phases de jeu. C'est un record, tout simplement. La mobilette Illich plante 8 buts pour 9 tirs et le pivot Peterson rend une copie parfaite avec 7 buts. Il shoot à 100%. Le Phoenix n'a pas douté lors de cette rencontre. Oui, exactement. Louis, belle prestation offensive avec des rentrées d'ailier efficaces qui ont perturbé la défense adverse. Mais n'oublions pas que le Phoenix a quand même encaissé 32 buts. C'est beaucoup trop face au 14e du championnat. Les Chartrains ont trouvé de nombreux espaces sur les extérieurs. Mais heureusement, les ailiers n'étaient pas en grande réussite sur les tirs ce jour-là. Toulouse a aussi peiné à museler les contre-attaques adverses. Ironique, puisqu'on sait que c'est ce qui caractérise leur jeu offensif. Une prestation défensive qui ne satisfait pas Bakary Diallo, le défenseur toulousain. Si on veut faire une grosse saison, il faut avoir une bonne défense. Là, la défense, en premier temps, ok, ça a été, mais en deuxième, un peu moins. Parce qu'on a pris quand même 32 buts, c'est quand même beaucoup. Et heureusement qu'on a mis autant de buts en montée de balle. Et à l'image de cette incapacité, on peut citer le rouge de Mathieu Marmier à la 20e minute. L'arrière droit fait l'effort de revenir en défense, mais vient faucher dans ses 9 mètres l'ailier Chartrain en pleine course. Une action difficile à juger, mais l'arbitre sort le carton immédiatement. Et justement, un supporter expérimenté nous a donné son avis sur ce carton. C'est pas une agression, c'est plus une maladresse. Mais il y a une règle qui dit qu'en contre-attaque, on ne touche pas un joueur qui est en contre-attaque. Parce qu'il est en pleine vitesse, il va perdre, on l'a bien vu, il a perdu l'équilibre, il allait taper la tête par terre, donc trop dangereux et en règle générale, la règle c'est de ne pas toucher. Alors j'imagine que vous l'avez reconnu évidemment, c'est Claude Onesta, ancien coach mythique de l'équipe de France des experts. Il était dans les tribunes jeudi pour supporter son équipe de Toulouse. Ouais, c'était assez fou de le croiser dans les couloirs du Palais des Sports. Mais pour finir sur une note plus positive sur la rencontre, j'ai trouvé l'équipe tout de même solide au niveau du secteur central. De gros tampons, des blocs et le pivot Chartrain qui n'a pas vu le jour. La doublette Bakary Diallo et Frédéric Peterson étaient très très très solides. Un duo qui fonctionne bien sûr et en dehors du terrain. On écoute encore une fois le défenseur français. On a créé des affinités. J'aime bien parce que c'est pas un gars en défense qui monte trop haut, qui reste un peu compact. Donc moi, si je peux monter un peu plus haut, je sais que lui, il reste un peu plus bas. Donc on a créé des bonnes affinités. On s'entend bien en dehors du terrain et sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment cool quoi, de défendre avec Fred. On retient le plus important. Toulouse sort victorieux face à des Chartrains valeureux, mais heureusement très imprécis. On sentait qu'ils étaient désabusés à la fin. Espérons désormais que le Phoenix se mette au niveau des prochains adversaires. Et c'est bon, les Toulousains ils sont relancés maintenant. Oui, c'est clair, et à 6 matchs de la fin de saison, il était temps. Depuis un mois, le bilan du Phoenix est plus que moyen. 2 défaites, 2 nuls et seulement une petite victoire le week-end dernier face à Créteil. On est loin des résultats du début de saison. Il faut dire que le calendrier n'était pas non plus simple avec un déplacement à Paris puis à Nantes. Mais pour avoir échangé avec les joueurs, l'Europe est toujours en ligne de mire. On ne sait pas encore si la Star League aura le droit à 4 ou 5 tickets européens, mais le Phoenix doit jouer crânement sa chance. Le calendrier est désormais à l'avantage des Toulousains. On note le choc à Chambéry, 4e et concurrent direct le jeudi 18 mai. Le rendez-vous est pris. Le capitaine Pierrick Schell est confiant sur les prochaines rencontres. On est conscient des échéances qui arrivent. Il reste 7 matchs, je crois, ou 6 ou 7 matchs. Sur le papier, on peut tous les gagner. On va essayer évidemment de tous les gagner. On ne se cache pas, on va jouer les yeux dans les yeux avec Nîmes et Chambéry, on verra qui sera au bout à la fin. Et plus que 6 matchs donc pour le Phoenix pour atteindre ses objectifs. La prochaine rencontre à domicile sera dans un peu moins de 3 semaines contre Saint-Raphaël, une affiche alléchante qui sera à suivre sur notre Facebook Live vendredi 5 mai à partir de 20h. Cette semaine, Toulouse et Lyon ne se sont pas lâchés. Résultat contrasté pour les Toulousains. On va commencer par le positif avec la victoire du Stade Toulousain 36-31 face au Loup hier soir. Un succès qui leur permet de se détacher en tête du classement. Ils ont maintenant 6 points d'avance sur le deuxième La Rochelle. Laurent Thuéry, entraîneur adjoint, s'est montré satisfait après le match. On l'avait dit avant, il fallait gagner, prendre des points pour pouvoir rester en haut. Et donc ouais, on est sincèrement très soulagés ce soir de s'en sortir comme ça après le scénario de ce match. Et c'est toujours bien de rester en tête de ce top 14. En revanche, ce n'est pas passé pour le TFC. Sur une spirale positive après leur qualification en finale de Coupe de France suivie d'une victoire à Montpellier, les Violets n'ont pas réussi à enchaîner. Une défaite 2-1 après un but tardif de Logan Costa contre son camp à 2 minutes de la fin. Toujours 12e au championnat, la tête est déjà un peu à la finale de coupe le 29 avril. Vous voulez m'en siffler ? Non, pas du tout. Bon, alors laissez-moi faire. Who the fuck is that guy ? Tout ce truc-là de PlayStation. Mais je vais t'envoyer à l'hôpital. La tension monte d'un cran dans le studio. Paul Grelier, Clément Arnal, j'espère que vous êtes bien préparés, que vos arguments sont affûtés. Le sujet de la semaine, est-ce que la probable future qualification du TFC en Coupe d'Europe, en cas de victoire en Coupe de France évidemment, serait une bonne chose pour le club ? Messieurs, je vous laisse l'honneur. Qui veut commencer à exposer ses arguments ? Je suis quelqu'un de très poli, donc je vais laisser la parole à mon ennemi du jour, Paul Grelier. Très bien, c'est parfait. Je prends ce challenge. Et Paul, c'est toi qui commences. Tu peux y aller, tu as 45 secondes. Bon, déjà pour le TFC, si qualification européenne il y a, ce sera un super atout pour l'éventuelle prolongation de certains cadres du club. Je parle de Maxime Dupé, le gardien titulaire en place, mais aussi de la triplette au milieu de terrain, Spierings, Van de Bommel et De Jager qui sont en fin de contrat cet été là, et aussi Anthony Rouault qui est en fin de contrat l'année prochaine, le défenseur central toulousain. Je voulais aussi revenir sur le fait que ça pourrait permettre au club d'avoir une aura beaucoup plus importante sur le plan local et régional par rapport au Stade Toulousain, parce que Toulouse est connu pour être surtout pour son club de rugby. Et bon, à part Ben Yedder, Gignac, Elmander ou Siriex, TFC n'a pas écrit sa véritable histoire, sa propre histoire. Donc en vrai, un beau parcours européen, quitte à finir même un troisième de poule, être versé en Europa Conference League, ça permettrait au club occitan d'être placé sur la carte de l'Europe. Voilà, ça c'est mon avis. Il te reste... C'est bon, ça finit, t'étais pile un petit peu en avance, mais t'étais pas mal. Clément, toi tu as 45 secondes également pour lui répondre, je te laisse le micro. Ouais, t'as parlé du coup des prolongations du trio magique au milieu de terrain. Pour moi, c'est pas forcément ça qui va vraiment déterminer s'ils vont prolonger ou pas. Branco, là, il est à 70 000 par mois, il va prendre un contrat beaucoup plus élevé. À voir si Toulouse veut proposer ses contrats, à voir si l'argent de l'Europe est réinvesti. Toulouse, on sait que l'argent en Europe, c'est aussi une question de coefficient. Toulouse, évidemment, le coefficient est à zéro. Donc pour moi, c'est pas forcément les quelques millions d'euros qui vont s'ajouter qui vont permettre de prolonger ces joueurs. Ensuite, tu parles d'une aura, une qualification via la Coupe de France. Est-ce que ça permet vraiment de placer Toulouse sur la carte de l'Europe ? Je suis pas sûr, parce qu'à tout moment, ils font une phase de groupe où ils se font claquer par Karabag et l'Olympiakos, 3-0 au match aller-retour, et on n'en parle plus pendant 4 ans. Donc, je comprends l'idée, je serais très content que Toulouse soit en Europe, mais pour moi, ça n'a pas forcément aidé. Merci Clément pour ta participation. Paul, tu as 30 secondes pour répondre à ce que vient de dire Clément. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit ? Est-ce que tu es contre son avis ? C'est à toi, Paul. Ah, je suis pas totalement d'accord avec son avis, d'autant plus qu'en plus, la Ligue 1, l'année prochaine, elle passe de 20 clubs à 18 clubs. Donc tous les clubs qui jouent l'Europe, ils auront beaucoup plus, voire... Bon. J'abuse peut-être, un peu plus de temps pour se préparer pour ces matchs européens. Et ça fait 13 ans que le TEF a pas joué l'Europe, ce qui permettrait, encore une fois, je le dis, mettre club de prendre une autre dimension, en recrutant des meilleurs joueurs au calibre européen, notamment, je pense, sur le secteur défensif et au milieu de terrain, pour pallier peut-être les absences, les blessures, ou ne pas titulariser à chaque fois le trident du milieu du TFC. Du milieu, on a compris, Paul, merci. Clément, je te laisse le dernier mot. Tu as 30 secondes pour conclure ce débat. Bon, on a compris que Paul vit dans une utopie. Je te donne l'exemple de Nantes, là, que va jouer le TF très bientôt. Nantes, c'est un effectif beaucoup plus étoffé que celui du TFC. Pourtant, cette année, pendant la phase de groupe d'Europa League, ils avaient 9 matchs de Ligue 1 pendant la phase de groupe, une seule victoire, ils ont perdu 3 places, ils sont passés de 13e à 16e. Toi, t'es supporter lyonnais, tu connais très bien les équipes qui ont un peu du mal avec la régularité. Toulouse, c'est un peu ça, mais encore moins bon. Donc, il y a du risque. Certes, ça fera une belle image pour le club, mais il y a aussi un gros risque de perdre des places, et ils sont toujours pas assurés d'être maintenus cette année. Donc, je dis attention Toulouse. Sur le gong, Clément, pas simple pour Paul, là. T'es un peu dur. Un peu dur Clément, mais j'espère que vous avez bien apprécié ce débat. En tout cas, vous pourrez vous choisir qui est le vainqueur en story sur Instagram, sur le compte de JT Sport, également sur le compte Twitter de le JT Sport. Et donc voilà, bah merci messieurs pour ce débat. Merci à toi. Et on va pouvoir passer de l'autre côté de l'Atlantique et parler un peu NBA. Les playoffs de la NBA ont enfin commencé. Les premiers matchs ont eu lieu dès ce week-end. Hugo Laborde, tu entres dans la raquette pour expliquer les tenants et les aboutissants de la deuxième partie de saison du basket américain. 8 équipes par conférence, une seule pour la représenter en finale de NBA. Prévue jusqu'au 18 juin, les playoffs vont déterminer les meilleures équipes des conférences Est et Ouest. Milwaukee et Denver ont terminé respectivement premier de leur conférence sur la saison régulière. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur ces franchises. Pour leur premier match, Denver a confirmé avec une victoire de plus de 25 points. Milwaukee, elle, a déçu après une défaite à domicile. La blessure de sa star Giannis Antetokounmpo ne présage rien de bon. Boston, revanchard de leur défaite en finale de NBA la saison passée, et renforcé par leur sixième homme Brogdon, reste favori avec Milwaukee à l'est. Les Lakers, qui se sont reconstruits en février à l'ouest, sont en embuscade. Elles ont toutes deux gagné leur premier match, mais restons prudents, au vu des premiers matchs, la compétition est très relevée cette année. Mesdames, messieurs, prosternez-vous. C'est bien fait. Extraordinaire. Extraordinaire, va bien jouer. Les champions de la ville. Vas-y, mon objectif prochain, c'est de tout soulever. Place désormais au format libre, et aujourd'hui, Emilien, tu vas nous faire un portrait sur un des meilleurs sportifs que compte notre belle ville rose, Léon Marchand. À seulement 20 ans, le jeune Français éclabousse de son talent la planète natation. Bien évidemment, quand on sort d'une famille de nageurs comme la sienne, tout est plus simple. Un père médaillé d'argent au championnat d'Europe, une mère plusieurs fois championne de France. Mais Léon a mis la barre haute, très haute. Il est devenu de loin le meilleur représentant de sa famille dans les bassins. Et alors justement, comment est-ce qu'il est devenu aussi performant ? Alors si son aventure commence en 2019, lorsqu'il est devenu le premier à être champion de France à moins de 17 ans, c'est bien depuis l'année dernière que Léon Marchand est comme un poisson dans l'eau après son départ aux États-Unis. Son choix de s'entourer des meilleurs en engageant Bob Bowman, l'ancien mentor de Michael Phelps, est une immense réussite. Grâce à cette préparation, il est devenu champion du monde à Budapest sur le 400 mètres 4 nages. Il bat par la même occasion le record de France et d'Europe. Il prend aussi l'or sur 200 mètres 4 nages et récolte l'argent sur 200 mètres papillon. Et aujourd'hui encore, il continue à pulvériser tous les records. Absolument, on aurait pu penser que Léon Marchand se serait arrêté à ses performances, mais non, l'appétit du jeune nageur est trop grand. Depuis le début de l'année, il marche littéralement sur l'eau, battant tous les records. Il efface d'ailleurs sans vergogne tous les temps établis par la légende de la discipline, Michael Phelps. S'il veut suivre le parcours de ce nageur mythique, il faudra bien entendu passer par la case Jeux Olympiques. Il y a déjà participé à Tokyo en finissant seulement 6e sur le 400 mètres 4 nages, mais on sent qu'il s'approche de plus en plus du niveau requis pour gagner cette compétition. Donc on espère évidemment que son rêve de remporter les JO de Paris ne tombera pas à l'eau. Allez messieurs, place au quiz pour finir cette émission, et c'est Tristan qui va nous parler de tennis et de Monte Carlo. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Donc on le sait, hier Andrei Rublev a décroché le premier grand titre de sa carrière. Il a remporté le Master 1000 de Monte Carlo en venant à bout de Holger Rune 5-7, 6-2, 7-5. C'était sa deuxième finale après celle perdue en 2021. Il ne devient que le 10e homme à soulever le trophée depuis l'an 2000. Du coup, est-ce que vous pouvez me citer les 9 vainqueurs précédents ? Alors Carlos Alcaraz ? Carlos Alcaraz, c'est non. Nadal ? Bien sûr, Rafael Nadal, 11 victoires dont 8 consécutives entre 2005 et 2012. C'est d'ailleurs le tournoi qu'il a le plus remporté après Roland-Garros. Novak Djokovic. Novak Djokovic, oui, victoire en 2013 et en 2015. Avant ça, il avait perdu deux fois en finale, à chaque fois contre Rafael Nadal en 2009 et en 2012. Roger Federer. Et non, Roger Federer, 4 finales, 4 finales perdues, 3 fois contre Rafael Nadal, entre donc, ouais c'est ça la bête noire, ses défaites contre Nadal c'est entre 2006 et 2008, et il en a une quatrième en 2014 contre un joueur que vous cherchez. Moi j'irais le grec, Stefanos Tsitsipas. Bien sûr, Stefanos Tsitsipas, victoire en 2021 et 2022, c'était le tenant du titre et cette année il a été éliminé par Taylor Fritz en quart de finale, c'est d'ailleurs ses deux seules victoires sur des Master 1000. Combien il en reste, Tristan ? Alors il vous en reste le gagnant de 2019, le gagnant de 2014 et ensuite les gagnants des années 2000. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice sur les gagnants ? Alors en 2019, c'était une surprise, il n'y a pas Murray, il n'y a même pas de finale. En 2019, c'était une surprise, c'était un Italien qui était 13e mondial à l'époque. Berrettini ? Non. Sonego ? Non plus. Fabio Fognini ? Fabio Fognini, énorme surprise. D'ailleurs, la finale était contre le 48e mondial, c'était Lajovic. Et donc, victoire de Fabio Fognini, sa seule victoire sur un Master 1000. Pete Sampras dans les précédents. C'est non, c'est un peu après quand même. Alors je vous donne d'autres indices. En 2014, si je vous donne la nationalité, ça va être beaucoup plus simple. Celui qui a battu Roger Federer, ben, c'est un Suisse aussi. Wawrinka. Exactement. Stan Wawrinka, trois grands chelems à son actif, numéro 3 mondial à ce moment-là. Alors est-ce qu'il y a Kuerten ? Il y a Gustavo Kuerten en 2001 et en 1999. Il a aussi gagné donc 3 Roland-Garros, spécialiste de terre battue. Il vous en reste encore 2. 3 pardon, 3. Ferrero ? Juan Carlos Ferrero, victoire en 2002 et en 2003, encore un spécialiste de terre battue, et il est actuellement l'entraîneur justement de Carlos Alcaraz. Il en reste deux. Carlos Moya peut-être ? Carlos Moya, c'est un petit peu avant, mais il a bien gagné, oui. Il doit y avoir un Français, non ? Il y a un Français en 2000. Alors, Cédric Pioline ? Exactement, Cédric Pioline, seul Français de l'Air Open à avoir remporté un Monte Carlo, c'était contre le Slovaque Dominik Hrbatic, et d'ailleurs sa troisième finale, il avait perdu contre Moya. Il en reste plus qu'un, c'est le plus compliqué, c'est un Argentin. Ouais, je pense que Schwartzman, c'est... Schwartzman, non, pas du tout. Ouais, non, non, c'est un peu plus... pas Schwartzman, c'est en 2004. Nalbandian ? Ce n'est pas Nalbandian, il a été justement troisième mondial en 2004. Del Potro ? Ce n'est pas Del Potro. Je pense qu'on sait, vas-y Tristan, dis nous. C'est Guillermo Coria, finaliste en 2003 et 2005, mais sa seule victoire, c'est en 2004. Merci à tous d'avoir écouté cette nouvelle émission de JT Sport. Merci à Alexandre, merci à Mathieu et à Inès en régie. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de JT Sport. Bonne soirée. We'll be right back.